règlement militaire appelle l'énergie et la virilité de la présentation, je vous ai dit tête haute, poitrine dégagée pendant le défilé, cadence nettement marquée en frappant le sol avec le talon gauche, et regardez ce balancement des bras à hauteur uniforme.